Pas les amigos. Oui. Vous savez que c'est la toute première fois de ma vie que je vois Benoît Poelvoorde. En vrai? En vrai, ouais. Tu blagues? Ouais. Après 6 ans d'émission, tu vois, genre Juliette Binoche, je la croise tous les 15 jours, là. Quand je la vois, elle me fait un bisou sur le front, là, je l'appelle plus, je l'appelle Bibine, maintenant, on a passé un cap. À force de croiser les gens à terre, tu tisses des liens, Riyad Satouf, j'ai un double de ses clés, quoi, vraiment. On a un projet de fiduciaire. Mais Benoît, jamais, quoi. C'est fou, quand même, si tu dis deux Belges en France, à notoriété égale. Allez, normalement, je dis notoriété égale, je sais qu'il y a encore un gap à franchir, mais ça va décoller pour Benoît, c'est sûr. S'il le faut, je donne un coup de main. Nikos Aliagas, il me doit un service, moi, je passe un coup de fil, Benoît, il est juré dans The Voice Kids. Moi, s'il le faut, je le fais. Si on me demande, je le fais. En vrai, c'est une grosse pression pour moi, cette chronique. Franchement, j'ai tellement essayé d'esquiver le truc. J'ai dit au rédac chef, je viens pas, je suis positif. Il m'a dit au Covid, j'ai dit non, elle a lâché. Vraiment, c'est quoi, j'ai tenté un Omicron Express, j'ai lâché les poignets dans le Thalys. Mais vraiment, c'est tétanisant de faire une chronique devant quelqu'un que t'admires, quoi. Tu vois, c'est vrai. Heureusement que d'habitude, ici, ça va, honnêtement. Genre, l'autre fois, l'invité, c'était Robert Ménard. Vous étiez tous comme des petits enfants. Tanguy, il avait son carnet d'autographe. Mais moi, c'est pas quelqu'un qui a compté, tu vois. Alors, Benoît, il a compté. Édouard, il a compté. Et t'as envie d'être bon dans ces cas-là, c'est vrai, tu vois. Genre l'année passée, j'ai fait une chronique devant Edouard Baird. Première fois que je l'ai rencontré aussi, quoi. Et c'était nul! Pire chronique de l'année, j'ai envie de crever dans une Brita, quoi. Vraiment, j'ai voulu me jeter dans les escaliers de Radio France. J'étais amorti par Riyad Satouf. Il m'a dit, Agathe, au bac. J'ai dit, mais tu dessines quand, toi? Je lui ai dit, vraiment, quand tu dessines, toi? J'étais deg, parce que j'aurais aimé qu'Edouard me voie à mon meilleur. D'habitude, je fais des chroniques ici, mais c'est un feu d'artifice. Mais que du rire décalé tout le temps. L'autre jour, Nagui m'a dit, ta chronique, c'est l'expérience sensorielle la plus forte qui m'était donnée de vivre, avec la fois où j'étais nommé leader de la chenille aux chandelles. Daniel, il a dit, je confirme, c'est moi qui fermais. C'est vrai. Mais c'était dur. D'échouer devant Daniel. Genre la bosse devant Edouard, pardon. La bosse t'es là, pour moi c'est fondateur. Parce que Morgane, j'étais pas obligé à regarder la bosse. J'étais obligé. On a loué le film en VOD, 2,99€. Je crois que c'est plus que le budget du film. Vraiment. Il y a plus de moyens. Il y a plus de moyens que dans certaines pubs d'Eli France. Vraiment. Mais pour moi, la bosse t'es là, c'est mon Citizen Kane. Quoi. C'est pareil pour si t'es arrivé près de chez vous. Tu vois, je connais toutes les répliques par cœur. Un whisky, juste un doigt. Vous voulez pas d'avoir un whisky, moi. Non. Cut l'année prochaine. Et là, je fais une vanne. Je fais une vanne devant Poelvoorde et le mec consterné. Non, mais c'est particulier de se retrouver en position de rencontrer les gens qui ont compté pour toi. Genre, mercredi passé, Léa Salamé, elle interrogeait Benoît et Edouard. Et Edouard, il a dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, quand on s'approche beaucoup des choses qu'on admirait, ou bien il est trop tard, ou de près, elles sont... Et il a jamais terminé sa phrase, le bâtard. Jamais. J'ai réécouté le replay 40 fois. Chaque fois, j'étais là, mais parle, parle. J'ai tenté de finir sa citation avec le bon adjectif, comme dans N'oubliez pas les paroles. Tu vois, j'étais là. Quand on s'approche beaucoup des choses qu'on admirait, ou bien il est trop tard, ou de près elles sont moites, rétractiles, perpendiculaires. C'est relou quand même, tu vois. Je crois qu'on est passé à côté d'une phrase historique. Tu vois, faut imaginer De Gaulle en 58. Je vous ai. Bonne journée. Bonne journée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que prochainement, je présente un gala dans un festival à Lille. Il y a une espèce de jeu concours et le gagnant il gagne un meet and greet avec moi. Franchement, c'est pas le concours le plus claqué de toute l'histoire des jeux de hasard. Imagine toute ta vie, t'as rien eu à l'Euromillion et pour une fois que tu gagnes un truc, c'est 10 minutes avec ma vieille tête. Quoi, franchement. Et c'est sûr que je vais être décevant pour les gens. Vous connaissez le dernier livre que je me suis acheté? Des soupes qui nous font du bien. C'est ce que je lis en ce moment. Elle est loin, les Guillermo Guise qui se roulaient dans les caniveaux en vomissant par le nez. Tu vois, là, je passe ma vie chez Casa. Parfois, je vois une écumoire et genre, j'hésite. Je me dis, peut-être il y en a une autre ailleurs qui est mieux. Tu vois, ça, c'est ma vie maintenant. J'ai acheté du cumin, putain, du cumin. Mais ouais! Là, j'ai l'impression d'être dans la mouche, tu vois, sauf que je me transforme en Nadine de Rothschild. Vraiment, les gens, ils vont me voir dans le meet and greet, ils vont se dire, putain, j'aurais mieux fait de jouer au Keno. C'est vrai que, comme disait l'autre, quand on s'approche trop des choses qu'on admirait, ou il est trop tard, ou de près, elles sont perpendiculaires. Allez, bonne émission. Merci, bravo. Guillaume.